avec les photos prises sur les îles atlantiques. Son sensuel éclairé est magnifique, mais elle grignote notre passé. Le bon temps c'est bien, c'est nécessaire. Avec on croit qu'on se tire d'affaire, mais c'est des conneries, on se fait baiser. C'est bien trop court, inachevé. La télé c'est fini, faut faire avec. Se passer des émissions de minuit, faire abstraction des moments partagés. Sous une couette allumée, réchauffée. Il est certain, alors qu'on partage la médiocrité, qu'on se badigeonne de fréquences inavouées. Faudrait varier les plaisirs, cracher le morceau, cacher ses cornes de taureau. C'est fini, faut faire avec. Les grands discours sont pourtant toujours là, mais les hommes les ont appris par cœur. Et on sent bien que sur le fond c'est pour perdre une place au soleil. Sur les îles atlantiques, des vestons qui brillent pour se jouer sympathique. On se prend des claques, on oublie tout le temps. On a déjà vu tout ça, on est vraiment incompétent. Et l'hiver, moi, routier. Oléron et l'île de Ré. La démocratie, c'est fini, faudra faire avec. On ne sait pas quand les vacances et la télé nous piègent en dansant. On s'invente des idées qu'on a téléchargées. Comme trop souvent, on pense qu'on espère que tout ça est cyclique et révolutionnaire. C'est bien là le problème, on revient sur nos pas. Pas le temps de souffler, le premier jour au trépas. La vie c'est fini, je ferai avec. La vie c'est fini, je ferai avec. La vie c'est fini, je ferai avec. La vie c'est fini, je ferai avec. La vie c'est fini, je ferai avec. La vie c'est fini, je ferai avec. La vie c'est fini, je ferai avec. La vie c'est fini, je ferai avec.